À l'occasion du 19e anniversaire de la promotion du dirigeant Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée et du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, l'association d'amitié avec la Corée siégeant en Espagne et le cercle d'études des îles du Tuté de Basque, de Madrid et de Valence, Espagne, ont fait des rédactions spéciales dans leur homepage d'Internet. Ils ont noté que le Parti du Travail de Corée, fondé par le président Kim Il-sung et développé par le dirigeant Kim Jong-il, a réalisé l'unité et la cohésion indéfectible de tout le parti et jouit du soutien et de la confiance absolue du peuple. Ils ont souligné que le dirigeant Kim Jong-un continue impeccablement les idées et causes des grands leaders et pratique la politique d'amour pour le peuple.